T'as eu bac dans la rue, ben innocenté. Je t'ai rien dit, tu m'as dit non santé. Qu'il faut pour rien, le poteau se santé. Je suis déçu, maman le santé. J'ai dormi les gyros, moi j'étais calé. La moto avant plus, faut changer les galets. J'apprécie le temps, je me laisse aller. Je me laisse aller. Je vois grandir, je suis toujours calé. Je peux tracer ma route, mais je fais que calé. La missile s'approche, elle veut des câlins. Je suis un peu blue, je crois que je lui calé. Moi je suis team duel, on va les baiser. Viens me voir si t'as pas saisi. Autour moi, comme rien, corps des ailes. Quand on est insoudé, ça fait saisir. Je vais te faire mal, parle pas de moi. Moi je suis pas Illuminati, je mets droit. L'éducatif, pas de palace, pas de Bugatti. Lui qui fait mal, je dors au quartier. Il manque une latte. Je me lève sur une latte. Je regarde au bizarre. Je vais m'acheter une batte. Ils ont réveillé la bête et en plus il a patte. Il me prend pour son chien, si t'en mets plus la patte. Pas m'en falloir moi avant que je me la pète. Pas de boîte, c'est au quartier que je me mets rabatte. Ça c'est pour mes locaux. Bras, je me mets auto, ça me plaît dans la locaux. Souvent quand tu fais le rambo tu perds. C'est la petite dit que t'aurais dû taire. Passe-moi un yacht, fais le tour de la terre. Tu peux me voir sur un stun, passe pour la perte. C'est le temps du coude. Et tu rêves du boude. Je laisse pas ton boude. Je la pointe à la soude. Salute à toutes ces grandes putas. Oh yo qui m'ont velouté. Si on tire on va pas te louper. Ben c'est n'y a pas y douter. J'ai LC 43. On me dit fais tes bailles et gare à toi. Fais-moi le bisou et adios. Ça menace même ta nièce. Sur le grand-père Harry Cross. Tu veux deux bières? C'est fin. La moula c'est pas gratos. J'ai vu le pire. Témoin. Les mamans pleurent après les bastos. Ça pour mes locaux.